Vous savez, là, il y a dans l'hindouisme, là, on va essayer de faire monter la Kundalini. Puis, au niveau des phénomènes liés au supramental par la fusion, ça passe par en haut, pas par en bas. Ça se débloque pas en montant, ça se débloque en descendant. C'est momentané. Puis là, tout d'un coup, vous allez voir des choses, vous allez avoir une vue claire de certaines choses. Pas besoin de. Tandis que des fois, ça va être encore plus frappant que des gens qui ont une pratique spirituelle pendant des décennies. Puis même, ça peut arriver que quelqu'un qui se considère comme étant pas très élevé au niveau de sa conscience va être moins naïf que des gens qui se considèrent comme très élevés au niveau de leur conscience. Il n'y a rien de plus dangereux. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de polariser les gens entre éveillés et endormis. C'est progressif, puis il y a un palier avec un dégradé. Des gens, il y en a à différents niveaux, puis de toutes les sortes. Puis si on se met à se catégoriser comme éveillé, puis après à vouloir catégoriser qui est éveillé, qui est endormi, à mes yeux, c'est dangereux. On s'illusionne. Ça peut être dangereux. C'est comme il y en a dans le supramental qu'ils vont vouloir vendre des consultations à tout prix, comme c'est le seul chemin. Ben, le pire, c'est que moi, j'ai fait des exercices de suppression sensorielle juste par curiosité expérimentale. À un moment donné, j'avais un loyer où j'avais une pièce où il n'y avait aucune lumière, que je pouvais me permettre qu'il n'y ait aucune lumière, puis j'avais accroché un miroir dedans. Puis j'avais décidé que j'allais m'enfermer là, puis me mettre face au miroir, puis que j'allais rester là tant que je n'aurais pas les effluves magnétiques de mon corps vital. J'ai fini par voir quelque chose. Mais est-ce que c'est pas parce que justement j'ai créé un besoin? Donc après, j'ai engendré une perception.